بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on est toujours dans le deuxième chapitre de Kitab al-Tawhid, باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما يكفر من الذنوب. Donc le chapitre du mérite du Tawhid et son expiation de l'ensemble des péchés. On avait expliqué le titre comme ça, on avait vu pourquoi. Parce que ma, il est Mazdariya. On l'avait vu, Inch'Allah. Et on avait dit que parmi les mérites du Tawhid, et même le plus grand mérite du Tawhid, c'était que le Mouahid, donc celui qui meurt sans avoir associé à Allah Jalla wa'ala, c'est-à-dire sans avoir commis le shirk akbar, il a le mérite et il a la bonne nouvelle d'avoir la guidée et la sécurité le jour du jugement, Yawm al-Qiyama, et de que sa demeure éternelle soit le paradis. Même si avant ça, il est châtié, comme on l'avait vu, comme c'est la croyance de l'Sunnah wal-Jama'a. Donc, contrairement à la croyance de l'Khawarij et de l'Mu'tazila, qui disent que celui qui commet des grands péchés, qui meurt sans se repentir, fera partie des gens du feu éternellement. Al-Sunnah wal-Jama'a disent que le Mouahid, celui qui meurt en n'ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir commis plus précisément le shirk akbar, alors celui-là, il demeurera éternellement au paradis, même si avant il est châtié. Et le shirk, il avait cité pour montrer comme délil du mérite du tawhid, il avait cité le verset de surat Al-An'am. Allah Jalla wa Ala, il dit: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Donc ceux qui ont cru, on avait vu ici que les salafis disent que le sens de l'iman ici c'est l'ikhlas. "Alladhina akhlasu dinahum wa lam yalbisu imanahum bidhulmin." Bidhulmin ya'ni bi shirk. Qui n'ont pas revêtu leur foi ou mélangé leur foi au shirk, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. À eux la sécurité et à eux sont les bien guidés, dans la dunya comme dans l'akhira. Donc on voit que celui, on avait vu, etc., le hadith de l'imam al-Bukhari ou hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que les compagnons, ils ont mal compris le hadith à la base. On ne va pas reprendre le cours complètement, mais d'une manière globale, le sens du verset, c'était que celui qui meurt en s'étant écarté du shirk akbar, il a la base de la sécurité et la base de la guidée, dans la dunya comme dans l'akhira. Et on avait fait la remarque qu'il ne faut pas comprendre le verset de la manière suivante, c'est-à-dire celui qui ne commet pas de shirk akbar, il a la sécurité et la guidée totale. On avait vu que ça concerne les gens qui délaissent aussi le shirk asghar et qui se repentent des kaba'ir. S'ils commettaient des grands péchés, c'est des gens qui sont morts et qui se sont repentis de ces grands péchés-là. Pour avoir un tawhid complet et bénéficier d'une guidée et d'une sécurité totale dans la dunya comme dans l'akhira. Là, il va montrer la même chose de Shir, où il cite un hadith pour montrer à peu près la même chose. Toujours le mérite du Tawhid, et que son plus grand mérite, c'est celui qui meurt Mouahid, sa demeure éternelle, c'est le paradis. Donc il dit, « Wa'an Ubada, Ubada tabni Samita radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده وعبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc, hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Donc, sans s'approcher du hadith en français, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui atteste que nul n'est en droit ou nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul, sans aucun associé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, son messager, que Isa alayhi salam est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole qu'il a mis en Mariam, on verra après ce que ça veut dire, et un esprit venant de lui. Ici, on verra aussi que le sens où c'est une création, tout simplement, qu'Allah Jalla wa'ala, qu'il est une créature qu'Allah Jalla wa'ala a créée parmi les autres créatures. On verra le sens, inshallah. Que le paradis est une vérité et que le feu, c'est-à-dire l'enfer, est une vérité. Alors celui qui atteste de tout ça, Allah Jalla wa'ala le fait rentrer au paradis de manière conforme à ses actions. C'est conformément aux actions qu'il a fait, qu'il a entrepris dans cette dunya. Et c'est un hadith qui est rapporté par les deux imams Al-Bukhari ou Muslim. Donc aucun doute sur l'authenticité du hadith. Donc, An Ubadat ibn Samit radiallahu an. Ubadat ibn Samit Al-Muhashi, Abdurrahman ibn Qasim, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il s'appelle Ibn Qais. Ibn Asram al-Khazraji al-Ansari Ahad al-Nuqaba Shahida Badran wa ma ba'daha wa rawa 'an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kathiran mata bir-Ramla sanata 40 wa 30 sanata 40 wa 30 wa lahu 72. Donc il s'appelait Ubadatu ibn Samit ibn Qais Ibn Asram al-Khazraji al-Ansari. Donc, il faisait partie de la tribu de al-Khazraj. On se rappelle que al-Khazraj et les Aous, c'est les deux tribus qui ont constitué al-Ansar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé al-Ansar. Donc, c'est les auxiliaires qui ont accueilli les émigrants muhajirin fil Medina. Donc, c'est des Arabes qui habitaient à Médine, qui étaient associateurs, adorateurs, donc d'idoles avant la venue de l'islam, et ces deux tribus-là ont embrassé en grande partie l'islam et c'est devenu Al-Ansar. Donc lui faisait partie, Ubadat ibn Samit, c'est un Ansari, et faisait partie de la tribu de l'Khazraj. Et Ahadun Nuqaba, c'est-à-dire qui fait partie de ceux qui ont participé à ce qu'on appelle Al-Aqaba, c'est-à-dire. Si on se rappelle de la Sira, qui est un groupe de Ansar qui est venu lors du pèlerinage à la Mecque, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il les a appelés à l'islam et ils ont accepté l'islam. Sachant qu'ils habitaient à Médine, au voisinage des Juifs, et que les Juifs ne cessaient de les menacer de l'arrivée d'un prophète et qu'ils les combattraient, qu'ils les tueraient. Qui suivraient ce prophète-là et qui combattraient donc Al-Aws ou Al-Khazraj, qui étaient à ce moment-là des adorateurs d'idoles, et qui les anéantiraient en suivant ce prophète-là. Et subhanallah, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que Al-Aws ou Al-Khazraj, ils ont cru, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Nuqaba, c'est ceux qui ont participé à ce qu'on appelle Al-Aqabat Al-Ula ou Al-Aqabat Al-Thaniya. Donc les deux fois où l'Ansar, donc la première année, ils étaient quelques Ansar, Allahu alam, si mes souvenirs sont bons, ils étaient une dizaine, Allahu alam. C'était peu nombreux. Et la deuxième année, ils sont revenus avec une délégation de 70. De 70 donc habitants de Médine, de Aus al-Khazraj. Et là, ils ont fait ce qu'on appelait l'Aqabat al-Thaniya. C'est là qu'ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se sont engagés à le protéger comme ils protègent leurs enfants et à le suivre, à lui obéir et à combattre pour sa cause. Donc ça c'est passé. La 12e ou la 13e année, donc juste avant l'émigration. Juste avant l'émigration, après ils ont émigré plus tard, un peu plus tard. Et c'est ce pacte-là, donc le pacte de l'Aqabat al-Thaniya, qui est où ça a été, c'était un pacte de guerre, c'est-à-dire ils se sont engagés à combattre pour la cause d'Allah et pour élever la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que le premier pacte, c'était simplement un pacte de, ça y est, ils ont reconnu qu'il était l'envoyé d'Allah, qu'il suivait sa religion, l'islam, etc. Mais c'est pour ça que ça a été appelé l'Aqabat ou Bay'at al-Nisa. C'est-à-dire que le pacte des femmes, dans le sens où il y avait pas de pacte sur le djihad. Il n'y avait pas d'engagement sur le combat. Le deuxième engagement, l'Aqabat al-Thaniya, qui s'est produit donc l'année suivante, quand ils sont revenus plus nombreux, là, ça a été un vrai pacte sur l'obéissance, sur le ta'a et sur le combat, sur le jihad, fi sabilillah, contre les kuffars. Et se sont engagés à le protéger comme ils protègent leurs propres enfants. Ça, c'est Nuqaba et Shahida Badran wa ma ba'daha. Et il a participé à la bataille de Badr, donc c'est un Badrite, et aux autres combats après la bataille de Badr. Et il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort à Ramla. Allahu alam, c'est une ville de Oshem, Palestine, l'année 34 de l'Hégire. Et il avait à ce moment-là 72 ans. Donc ça, c'est concernant brièvement Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu qui rapporte ce hadith-là. Donc il dit qala sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc il commence le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant celui qui témoigne que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu seul, la sharika lah, sans aucun associé. Donc ça c'est le hadith que le cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il cite, Al-Muhashi Abdurrahman ibn Qasim il dit. Donc là il va nous parler de Al-Shahada, le sens de la Shahada et le sens de la ilaha illallah. Man Shahida, donc celui qui témoigne. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il n'a pas dit celui qui dit, man qala. Il a dit man shahida. Voir qu'il y a une différence, grosse différence entre les deux termes. Donc là, il nous dit, ay man takallama biha, arifan li ma'anaha, amilan bi muqtadaha, batinan wa zahiran. Donc là, il cite trois choses. Pour nous expliquer le sens de shahada, man shahida, ay man takallama biha. Donc shahada, ça comprend le fait de prononcer par la langue. Une shahada, ça se prononce par la langue. Quelqu'un qui croit, même s'il y croit fermement dans son cœur et qu'il ne la prononce pas par la langue, ça ne s'appelle pas une shahada. Et c'est pour ça que les ulémas, ils sont unanimes qu'on n'accepte pas l'islam de quelqu'un qui ne le prononce pas par sa langue. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hatta yashhadu. Donc il faut prononcer la shahada. Ça ne s'appelle pas une shahada. Dédic donc takallama biha arifan li ma'naha. En connaissance ou en connaissant son sens. Donc, ce que signifie cette shahada-là, faut connaître l'ilm, savoir ce que cette shahada, elle signifie. Le simple fait de prononcer des mots par la langue, ça suffit pas. Donc, ça, c'est deuxièmement. Ou troisièmement, amilan bimuqtadaha. C'est-à-dire, et en mettant en pratique ce qu'elle signifie. ça suffit pas le fait de savoir ce que ça veut dire et de ne pas le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Par la parole, les actes. Comme il dit, batinan wa zahiran. Donc, batinan, donc ça concerne les actes du cœur. Et zahiran, ça concerne les actes des membres et la parole de la langue. Comme on l'a vu à maintes reprises, que l'iman, la foi, chez al-sunna wal-jama'a, c'est qawl wa amal. Des paroles et des actes. Ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste une parole de la langue. La ilaha illallah, al-tawhid, ce n'est pas une simple parole de la langue. Et que donc, dans la shahada, il faut qu'on ait les mots, al-lafz, qu'il la prononce, ou al-ma'na, la connaissance de son sens et sa mise en pratique. Il dit, fa'inna shahadata. تقتدي العلم بالمشهود بي فلو كان عن جهل لم تكون الشهادة. Et donc la shahada, ça implique forcément la science ou nécessairement la science de ce qu'elle signifie. S'il la prononce en étant ignorant de sa signification, ça ne s'appelle pas une shahada. Quelqu'un qui témoigne d'une chose qu'il ne connaît pas, ce n'est pas un témoignage. C'est un témoignage de shahadat zur, un témoignage mensonger. Quelqu'un qui témoigne dans un tribunal, chez un juge, qu'il a vu telle ou telle chose, sans savoir de quoi il s'agit, son témoignage, ce n'est pas un témoignage, c'est un témoignage mensonger. Un témoignage qui n'a aucune valeur. Et poursuit en disant « وَتَقْتَدِي السِّدْقِ » Et ça implique aussi la véracité. C'est-à-dire de dire par la bouche, de témoigner par la bouche ce qu'on croit réellement et ce qu'on connaît réellement par le cœur. « وَتَقْتَدِي الْعَمَلْ بِذَلِكِ » Et ça implique aussi le fait de œuvrer. Donc de faire par les actes ce que cette shahada, elle implique, elle signifie. Comme il va l'expliquer après. Il dit, وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَبُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا وَالْعَمَلِ وَالصِّدْقِ فَبِالْعِلْمِ يَنْجُو مِنْ تَرِقَةِ النَّصَارَى وَبِالْعَمَلِ يَنْجُو مِنْ تَرِقَةِ الْيَهُودِ وَبِالصِّدْقِ يَنْجُو مِنْ تَرِقَةِ الْمُنَافِقِينَ. Il dit « et ». Donc il dit il est obligatoire donc que la personne soit savante, qu'elle mette ça en pratique, qu'elle soit sincère. Il dit « par la science, la personne s'écarte et se détourne de la voie de qui ? Des chrétiens. Donc qui pratiquaient un dîn sans science, qui adoraient Allah Jalla wa'ala sans science. Par les actes, ils se détournent, s'écartent et prennent une autre route que celle de qui? Des Yahoud, des Juifs, qui connaissaient le haq, mais qui ne l'ont pas suivi, qui n'ont pas œuvré par cette science qu'ils avaient. Et, وبالصدق, par la sincérité ou la véracité, ils s'écartent de la voie des munafiqin, des hypocrites qui disent des choses par leur langue et montrent des choses par leurs actes qui contredisent ou qui va à l'encontre de ce qu'ils ont dans le cœur, de ce qu'ils croient. Et ça, donc le fait de dire que la shahada, ou que pour que cette shahada elle soit acceptée, elle soit valide, ces conditions-là qu'on connaît sous les conditions de la ilaha illallah, donc la science, l'yaqin, il n'a pas parlé de l'yaqin, mais ça va avec, puisque les ulama ils disent que l'yaqin, ça contredit quoi? Échec, le doute. Et le doute, c'est une sorte d'ignorance. Quand on doute de quelque chose, c'est qu'on ne connaît pas complètement cette chose-là. Donc ils disent que échec, naw' min al-jahl. Le doute, c'est une sorte d'ignorance. Donc, il faut que la personne, elle soit savante, qu'elle soit certaine de ce qu'elles connaissent, de cette chose-là, que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Qu'elles l'acceptent, qu'elles s'y soumettent, qu'elles soient sincères, qu'elles soient exclusives, qu'elles aiment cette shahada, etc. Toutes ces conditions qu'on connaît là. Ces conditions, on les sort d'où? On les tire déjà, comme il l'a dit, simplement du mot shahada. Shahada, si on regarde dans la parole des salafs, ça tourne autour de tout ça. Ça commence par la science, par l'ikhbar, le fait de la prononcer, la parole, le fait de le mettre en pratique, etc. Tout ça, ça rentre dans le sens de la shahada. Il n'y a pas de shahada sans ça. Donc ces conditions-là, on les tire simplement du mot shahada comme il l'a fait. Et on les tire aussi, toutes ces conditions-là, d'autres textes, d'autres ahadiths qui sont aussi dans les deux sahih. La majorité, dans le Bukhari muslim, ou même dans certains versets du Coran, qui montrent que cette shahada, ça ne suffit pas, le simple fait de la prononcer, ça ne suffit pas. Et que la personne soit, il faut absolument qu'elle soit savante, qu'elle sache ce qu'elle signifie, qu'elle soit certaine de cette signification-là, qu'elle s'y soumette, qu'elle soit sincère, qu'elle ait l'ikhlas, etc. Tout ça, on le tire aussi en dehors du mot lui-même shahada, d'autres textes, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Allah jalla wa ala, il dit que ceux qui bénéficient de l'intercession de Shafa'a, c'est ceux qui témoignent de la vérité wa hum ya'lamun, et qui connaissent la signification de cette religion, du tawhid. De la même manière, Hadith de Uthman ibn Affan, qui est dans Sahih Muslim, le professeur sallam dit « Man mata wa huwa ya'alamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah » Celui qui meurt en sachant que nul ne mérite l'adoration dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en sachant la signification de cette shahada, il rentre au paradis. Où on avait vu, je ne sais pas si on l'a déjà vu le hadith, ou s'il va le citer plus tard, où on trouve que cette shahada-là, ou cette parole-là, elle est conditionnée par toutes ces conditions. Le prophète Hassan dit « Ghayr al-shak, sans douter, sadiqan min qalbihi, mukhlisan min qalbihi, khalisan min qalbihi » Donc il cite toutes ces conditions-là, la véracité, l'ikhlas, la sincérité, etc. Donc le mot shahada, le sens de la shahada, on le prend directement du sens de ce mot-là, le musamma, et on le prend aussi de tous ces textes-là, de tous ces hadiths-là qui conditionnent cette shahada. Ou dans le hadith qu'il va citer plus tard, dans le chapitre du sens de la ilaha illallah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi dans le hadith rapporté par Muslim, et qui est un des hadiths qui montre le mieux et le plus clairement le sens de la ilaha illallah, qui est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Allah, il dit, donc, haruma maluhu wa hisabuhu wa ala Allahi azza wa jalla. Donc celui qui dit « La ilaha illallah » et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors celui-là, son sang, ses biens et son honneur sont haram, sont sacrés, sont interdits. Donc ça montre que le simple fait de la prononcer, c'est pas ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah » Il faut qu'il y ait quelque chose, il y a la mise en pratique de cette shahada. Il y a la mise en œuvre de ce qu'elle signifie. Et ça commence par la connaissance et ça se poursuit par les actes. Comme il va le dire après. Il dit « Wahdahu ta'kidun wa bay'an limadmouni ma'naha » Wahdahu ici, il dit « Wahal min al-ismi sharif » wa ta'kid lil-ithbat » Ici « Wahdahu » ce mot-là, il est « hal » Il est hal. C'est en fait pour affirmer et confirmer ce que signifie cette shahada. C'est pour appuyer ce qu'on appelle ta'kid ou la ta'ukid. Ta'kid ou ta'ukid, c'est pour vraiment insister et appuyer sur le sens de l'affirmation. C'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Wahdahu seul. C'est pour appuyer, insister sur l'infirad. Le fait qu'Allah lui seul, il mérite l'adoration. Dit wala sharikala ta'kid al-nafi. تأكيد بعد التأكيد اهتمام بمقام التوحيد بقول الإمام ابن حجر دي ولا شريك لا c'est la même chose mais là ici il s'agit d'une confirmation et d'une du fait de d'appuyer et d'insister sur la négation c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors d'Allah Jalla wa Ala c'est-à-dire sa création ne mérite pas l'adoration. Donc ça, c'est le nafi, la négation. Donc l'affirmation et la négation, on la trouve dans la ilaha illallah. Man shahida an la ilaha illallah. Mais après, on a le ta'kid, pour affirmer, pour confirmer, pour insister, pour appuyer. Wahdahu la sharika la. Dit ta'kid ba'da ta'kid ihtimam bi maqam at-tawhid. Donc, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il ici, là, il dit ce qu'on appelle les ta'kidat, ou le ta'kidat pour vraiment insister et montrer l'importance du ta'whid, et que cette shahada, elle est composée de l'affirmation et de la négation, comme on l'a déjà vu. Il dit, qala l'imam an-Nawawi, wa rahimahullah, hadha hadithun azim. Jalil. جليل الموقع وهو أجمع من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين جميعهم الإمام النووي رحمه الله Il dit, ceci est un hadith très important et qui occupe une grande place donc dans notre religion, par son sens. Et il dit, il fait partie des hadiths qui regroupent, ou parmi les, c'est le hadith qui regroupe le plus, ou parmi les hadiths qui rassemblent le plus la croyance des musulmans. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé dans ce hadith, dans ces quelques mots, ce qui sort, ce qui fait sortir la personne des différentes voies de la mécréance. Chacune, donc en parlant de ces voies de la mécréance, chacune avec ses différentes croyances, comme il va l'expliquer après. Et donc, en ces quelques mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé la croyance des musulmans et il l'a différenciée de l'ensemble des voies, donc des kuffars, comme on le verra parmi les juifs, les chrétiens et autres, et les mushrikins. Il dit, wa ma'na la ilaha illallah. Wa ma'na la ilaha illallah. Donc là, il va expliquer brièvement le sens de la ilaha illallah. Même si encore une fois on sait que le Cheikh Mohammed rahimahullah, il a prévu un chapitre bien spécifique pour expliquer le sens de la ilaha illallah avec certains versets du Coran et certains hadiths comme ça vient dans le sixième chapitre du livre. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bi haqq illallah. Donc le sens de la ilaha illallah c'est la ma'bouda bi haqq illallah. C'est-à-dire que nul adoré ou personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'adoré méritant l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là ce qui est là où il faut bien faire attention, c'est ce qui est renié ou ce qui est rejeté dans la shahada, c'est le mérite de l'adoration. pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est rejeté, ce n'est pas le fait que d'autres divinités soient adorées en dehors d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui existe. Si on regarde autour de nous, il y a un tas de divinités, fausses divinités certes, mais qui sont adorées en dehors d'Allah, Jalla wa ala. On ne rejette pas le fait qu'il y ait d'autres divinités en dehors d'Allah qui soient adorées, puisque c'est le cas. Mais ce qui est rejeté dans cette shahada, et on le comprend quand on voit le khabar, bihaq ou haq, c'est le mérite. C'est-à-dire, ce qu'on rejette, c'est le mérite à l'adoration. Seul Allah Jalla wa ala, il mérite l'adoration. Tout ce qui est en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Tout ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire la créature. Parce qu'en dehors d'Allah, on a deux, dans le wujud, dans ce qui existe, il y a deux choses, le khaliq ou le makhlouq. Allah Jalla wa ala, c'est le khaliq. Et c'est pour ça qu'il mérite l'adoration. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est le makhlouq. Et le makhlouq ne mérite pas l'adoration. Donc ce qui est renié, ce qui est rejeté dans la ilaha illallah, c'est bien le mérite, l'istihqaq, le mérite de l'adoration. Seul Allah mérite l'adoration. Il dit « فَتَضَمَّنَتْ هَذِي الْكَلِمَةُ الْعَظِيمَةُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا فَلَا إِلَهَا نَفَتْ الْإِلَهِيَّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده فنفت جميع ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. Et donc ces mots-là, كلمة التوحيد, ces mots, c'est la parole de Tawhid, elle comporte deux choses, une négation et une affirmation. Comme on l'a dit, la ilaha, c'est ça le sens de, ou c'est ce qui fait sens de la négation. C'est la négation, la ilaha, c'est la négation et c'est le rejet de toute divinité en dehors d'Allah Jalla wa Ala. C'est-à-dire le fait de rejeter que ces divinités-là méritent l'adoration. Et illallah, c'est l'affirmation. C'est le fait d'affirmer que seul Allah Jalla wa Ala mérite cette adoration-là. Et donc, cette shahada-là, elle rejette toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle rejette son mérite à l'adoration. Et elle affirme que seul Allah Jalla wa Ala, seul sans aucun associé, mérite cette adoration-là. Et ici, il dit une phrase très importante. Il dit que l'adoration, ou la source de l'adoration, c'est le cœur. C'est l'adoration du cœur. Ici, il emploie un mot, at-ta'alluh. At-ta'alluh, c'est le même sens que at-ta'abbud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que le cœur, c'est le malik. Le cœur, c'est lui qui dirige. C'est lui la tête, en gros, si on veut, du corps. C'est lui qui dirige le corps. C'est lui le maître. Et l'adoration de la parole, l'adoration par la langue, l'adoration par les actes, elle provient du cœur. La base, c'est le cœur. C'est-à-dire, c'est l'amour du cœur, comme on l'avait vu. La base de l'adoration, c'est quoi? On avait vu le sens de l'adoration, al-ma'an al-masdari. C'est-à-dire, c'est l'amour du cœur, l'amour pour Allah, l'amour qu'on doit porter à Allah lorsqu'on adore Allah, et at-tadhallul, le khudu', le fait de se rabaisser, de s'humilier, et d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbu ta'zim, c'est-à-dire un amour d'immensification, de glorification, d'adoration pour Allah. Ça, c'est la base, ça se situe dans le cœur. Donc la base de l'adoration, c'est dans le cœur. Et cet amour-là, et ce rabaissement-là du serviteur, c'est ça qui va provoquer la parole de la langue, les actes des membres, etc. Donc la base, elle est dans le cœur. Ça, il dit, وَلَعِبَادَةُ إِنَّمَا تَصْدُرُ عَنْ تَأَلُّهِ الْقَلْبِ بِالْحُبِّ وَالْخُضُوعِ. La base, l'adoration, elle vient d'où? Des membres, de la parole, etc. Elle vient du cœur. La base, c'est le cœur. التألو, ce qu'ils appellent التألو. التألو, تعبد, بمعنى تعبد. C'est l'amour, mais pas n'importe quel amour. L'amour qui pousse, l'amour de l'adoration. L'amour qui pousse à espérer. L'amour qui pousse à avoir peur de l'adorer, à espérer en l'adorer, en plaçant sa confiance en lui. C'est cet amour-là, l'amour d'adoration. On verra, inchallah, qu'il y a différents amours et que tout amour n'est pas de l'adoration. C'est un amour qui comprend la glorification ta'zim, qui comprend dhul, le fait de se rabaisser, qui comprend raja ou al-khawf, les autres actes du cœur. Mais ça, c'est important. La base de l'adoration, elle se situe dans le cœur. C'est pour ça que quelqu'un qui prie, ou qui en apparence prie, fait juste des gestes, comme ça, parce qu'il a hérité de ça, de ses parents, ou etc. Mais qu'il n'y a pas d'amour dans son cœur pour Allah Azzawajal. Il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de rabaissement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ce n'est pas de l'adoration. En apparence, ça semble être de l'adoration, c'est pas de l'adoration. L'adoration, elle provient du cœur. Yuqala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ibn Taymiyyah, al-ilah wa al-ma'bud al-muta'. Fa inna al-ilah huwa al-ma'luh wa al-ma'luh huwa alladhi yastahiqqu an yu'bad. Wa kawnuhu yastahiqqu an yu'bad. هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخدوع له غاية الخضوع ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وأهلها أهل الله وحسبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه والنقمة فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, dans une traduction approchée de ce qu'il dit, il dit que l'ilah, la divinité, c'est celui qui est adoré et qui est obéi. Ici, le shir, il rajoute al-muta'. Le fait qu'il soit obéi. La divinité, c'est celui qui est adoré et celui qui est obéi. Donc ici, le shir, il cite deux choses. Il cite l'adoration et il cite l'obéissance. Même si l'obéissance, ça rentre dans l'adoration. Mais il sépare les deux choses. Parce que la divinité, c'est celui qui mérite l'adoration. Donc c'est celui pour qui on se prosterne, c'est celui qu'on invoque. C'est celui pour qui on sacrifie, etc. Mais aussi, c'est celui à qui on obéit. On obéit à ses ordres et on s'écarte de ses interdits. On ne peut pas imaginer que quelqu'un soit adoré, mais ne soit pas obéi. Sans être obéi. Il est celui qui se décrit par les sifat de la perfection. C'est lui qui mérite l'obéissance. On ne peut pas imaginer que ça soit une divinité qui soit à qui on voue des actes d'adoration, mais qu'en même temps, on obéit à quelqu'un d'autre que lui. Donc c'est pour ça qu'il dit « Hu al-ma'bud al-muta'. » Et ça, le sens de « La ilaha illallah » ou de « l'ilah » par ce sens-là, on le retrouve dans le Coran, dans plusieurs versets. Le verset, par exemple, un des versets aussi qui montre le mieux le sens de la ilaha illallah, comme le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit dans l'Usul al-Thalatha, ici deux ou trois versets, Allahu alam, pour expliquer la ilaha illallah, et il cite entre autres le verset de Sourate Al-Imran. Allah Jalla wa Ala, il dit, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc ici, ce verset dans Surat Al-Imran, où Allah Jalla wa Ala, il dit, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant de dire aux juifs et aux gens du livre, juifs et aux chrétiens, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Kalimatin sawa, il est kalimatin sawa. Kalimatin sawa, el kalima, le mufassirun. Ou une partie des mufassirin, des savants du tafsir parmi les compagnons et parmi les salafs, ils disent que le kalima ici dans ce verset c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. Qul ta'alaw ila kalimatin sawa. Ya'ani ila la ilaha illallah. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il explique la ilaha illallah. Alla na'abuda illallah. Wa la nushrika bihi shay'an. Alla na'abuda illallah. Ici, que nous n'adorions qu'Allah. Wa la nushrika bihi shay'an. Et que nous lui associons à rien du tout, en dehors de lui. Allah, il explique le sens de le kalima. Le kalima, la ilaha illallah. Ça a quel sens? Alla na'abuda illallah. Wa la nushrika bihi shay'an. Mais il ne s'arrête pas là. Ça, c'est le sens de al-ma'bud. L'adorer, celui qu'on adore seul. On lui donne l'adoration et on ne donne pas l'adoration à d'autres divinités en dehors de lui. Mais Allah, il ne s'arrête pas là, il continue. وَلَا يَتَّخِذَا بَعَدُنَا بَعَدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et que les uns ne prennent pas les autres comme seigneurs en dehors d'Allah. Et ça, les salafs, ils expliquent ça comment? Ils expliquent ça par l'obéissance à une autre législation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on voit quoi? Al-muta, celui qui est obéi, celui à qui on doit obéir seul, celui à qui, ou la législation à laquelle on va obéir seul, sans donner aucun associé. Al-ma'boud, al-muta, l'adoration et l'obéissance. J'adore Allah seul et j'obéis à Allah seul, j'obéis à sa législation, et pas à une autre législation. Celui qui fait la salat, il donne la zakat, il jeûne le mois de Ramadan, il va 36 fois au hajj, mais il obéit à une autre législation que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un mushrik. Mushrik dans l'obéissance. Comme c'est, on le verra dans d'autres chapitres. Ce sujet-là, il est développé dans d'autres chapitres du livre, Inch'Allah, on le verra. Mais c'est pour montrer que Saki ibn Taymiyyah toujours il dit que l'ilah, en général, les ulama disent c'est le ma'boud. L'ilah ou le ma'boud. Lui, il rajoute el-muta'. Il rajoute el-muta'. Parce que c'est pas possible qu'une divinité soit une divinité sans qu'elle soit obéie. Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite en même temps l'adoration et en même temps il mérite l'obéissance. Même si l'obéissance à la base, ça rentre dans l'adoration. On connaît tous le hadith de Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, qui fait partie des Arabes qui étaient christianisés avant qu'ils rentrent en islam. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, et on sait, le hadith il est connu, qu'il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter les versets de surat al-Tawbah. « Ittakhadhu ahbaram wa rahbanam arbaba min dunillah, wal masih ahbaram maryam. » وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Il a entendu réciter le prophète sallam ce verset. Il a dit au prophète sallam, mais on les adorait pas. On n'adorait pas nos rabbins et nos moines. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Adi que leur adoration, c'était quoi? C'était de suivre la législation qu'il leur avait inventée, qu'il leur avait fait. Il faisait du halal. Haram, du haram, du halal, et eux, ils ont accepté cette législation-là. Ils ont suivi cette législation forgée, inventée. Le Prophète sallam, il a dit, Tilka ibadatukum iyyahum. Ceci était votre adoration pour eux. Donc on voit que l'obéissance à une autre législation que celle d'Allah, ça rentre dans l'adoration. Mais quand même, le shaykh, les ulama, d'une manière globale, ils font la différence pour bien. Pour clarifier les choses. Que l'adoration, c'est une chose. Et l'obéissance, c'en est une autre. Et que l'obéissance, elle doit être vouée qu'à Allah. qu'à sa législation. Le halal, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré comme étant halal, le haram, c'est ce qu'il a légiféré comme étant haram, et la sharia, la législation, le hudoud, les peines, etc., c'est ce qu'Allah il a légiféré. Pas le qawanin et le wada'iyya. Quelqu'un, il fait, il jeûne, comme on a dit, tout ce qui est le lien avec son Seigneur, la spiritualité, etc., il la pratique, il la donne à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il obéit à une autre législation. Il demande des jugements à un autre juge, à une autre législation que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il n'a pas réalisé la ilaha illallah. Comme le montre le verset qu'on a cité et d'autres. D'autres, beaucoup de versets. Comme c'est expliqué dans d'autres chapitres du livre. Concernant l'obéissance, la législation, le hukm, etc. Donc, l'ilah, c'est celui qui est ou qui mérite l'adoration. El-ma'lou. On a vu avant que el-ta'allou, c'est l'amour du cœur et la soumission, le rabaissement, l'humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est la base de l'adoration, c'est la base de la parole de la langue, des actes, des autres actes du cœur et des actes des membres. Et le fait, Ibn Taymiyyah dit, le fait qu'il mérite lui seul l'adoration, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu, il est caractérisé par des sifats de perfection. Il a des attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, de perfection. Et que il n'est atteint par aucune insuffisance, aucun défaut, aucun manquement, qu'il est parfait dans son zat, en lui-même, dans ses attributs et dans ses actes. Et c'est pour ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, mérite l'adoration. Et que tout ce qui est en dehors de lui, c'est-à-dire al-makhlouq, ne mérite pas l'adoration par son incapacité, par son insuffisance, parce qu'il est touché par un tas de défauts. Mérite pas l'adoration. Quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa noblesse, quelle que soit, rien ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces attributs-là, encore une fois, il dit que ça va provoquer dans le cœur de la personne. C'est-à-dire que cette connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette connaissance d'Allah, la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs, tout ce qu'on a pu étudier dans le Wasitiya, tout ça va provoquer dans le cœur de la personne de l'amour. Celui qui connaît Allah, qui est convaincu qu'Allah, jalla wa ala, il est capable de tout, qu'Allah, il sait tout, qu'Allah il est éternel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est plus grand que tout, qu'il est au-dessus de sa création, tout ça va provoquer dans son cœur un amour et une peur, une crainte d'Allah, mais aussi l'espoir, un amour, une humiliation dans son cœur. Et tout ça c'est la base, c'est ça c'est at-ta'alluh, at-ta'alluh lillah. Et ça, ces actes du cœur-là, ils vont provoquer la parole de la langue. Ils vont provoquer les actes des membres. Ce Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit l'ordre, il est comme ceci. D'abord, al-ma'rifa, la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs. Ça provoque quoi? Ça va impliquer quoi? Les actes du cœur, l'amour pour Allah, la crainte d'Allah. Al-tawakkul, celui qui sait qu'Allah, jalla wa ala, il est capable de tout, que rien ne peut lui empêcher de faire ce qu'il veut faire. Que tout ce qu'il veut, ça se produit. Il va placer sa confiance en qui? En lui. Pas en une créature daïf, faible, qui dépend d'Allah. Et que ces actes du cœur, derrière, ils vont impliquer quoi? Une parole de la langue, le dhikr, l'istighfar, la lecture du Coran, et les actes des membres, l'obéissance, la salat, la zakat, le siyam, le hajj, etc. L'ordre, il est comme ça. Connaissance du cœur qui provoque les actes du cœur, qui provoque la parole de la langue et les actes des membres. Il dit, c'est pour ceci que ces mots-là, donc Kalimat al-Tawhid, les mots du Tawhid, c'est les mots les plus véridiques. les mots les plus véridiques, parce que c'est donner l'adoration à celui qui la mérite, et que les gens de la ilaha illallah, c'est le parti d'Allah. C'est le parti d'Allah, les alliés d'Allah, awliya Allah, les alliés d'Allah. Et que ceux qui rejettent cette shahada, qu'ils la rejettent, lafzan, comme on va le voir après, qu'ils la rejettent simplement par ces mots, comme l'a fait Quraysh, ils n'ont pas voulu la prononcer parce qu'ils savaient ce qu'elle voulait dire. Ou qu'ils la prononcent, mais qu'ils la rejettent par son sens, c'est-à-dire qu'ils la disent, mais sans savoir sa signification, comme la majorité des gens d'aujourd'hui. Ceux-là sont les ennemis d'Allah. Et ce sont ceux qui encourent la colère d'Allah Jalla wa'ala et sa punition. Et si cette shahada-là, chez la personne, elle est réalisée, elle est acceptée, elle est juste, alors tout le reste concernant sa religion sera sain. Parce que tout le reste repose sur cette shahada. Alors que celui qui ne réalise pas cette shahada-là, tout ce qui est bâti sur cette shahada-là, sa science et ses actes, c'est vain. Ça repose sur rien du tout. Puisqu'on sait, c'est pour ça qu'on appelle ça Asl-ed-Din. C'est pour ça qu'on appelle ça Asl-ed-Din. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité un exemple, on l'avait déjà dit dans le Coran. Il a comparé la ilaha illallah avec, ou la religion avec un arbre. Et la ilaha illallah, c'est les racines de cet arbre-là. Ibn Abbas, il dit les racines. Asl shajara, donc les racines, c'est la parole, c'est la ilaha illallah qui est ancrée dans le cœur de la personne. C'est-à-dire qu'il la connaît et qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'humilie pour lui, et donc tout le reste de la religion qui est basée là-dessus, c'est ça. Et ses branches, elles partent vers le ciel, elles branchent, c'est le furu', les branches, et tout le reste de sa religion, c'est saint, parce que ça repose sur une bassine. Il dit, Wal-hasil, an la ilaha illallah, la tenfa'u illa man arifa madlulaha, nafyan wa ithbatan, wa ahtaqada thalik, wa qabilahu wa amila bih. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي شرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع. Et donc le résultat de ce qu'on vient de dire, c'est que la ilaha illallah ne profite qu'à celui qui connaît son sens, c'est-à-dire qui connaît ce qu'elle signifie et qu'elle contient une négation et une affirmation, qui croit fermement, qui l'accepte et qui œuvre conformément à ce qu'elle signifie. Il dit wa qabilahu, c'est-à-dire qu'il a su ce qu'elle veut, ce qu'elle signifie, qu'il y croit fermement et qu'il l'accepte. Il y a des gens, on sait, même dans le Coran, Allah Jalla wa Ala, il parle de Pharaon. Il y a des hadiths qui viennent, qui montrent que Abu Talib aussi. C'est des gens qui savaient que c'était le haq. Des gens qui savaient que c'était le haq, qui savaient fermement que c'était le haq, mais qui ne l'ont pas accepté. Qui l'ont rejeté pour diverses raisons. Abu Talib, il est évoqué, comme ça vient dans le Bukhari, qu'il n'a pas voulu se désavouer de la religion de son père Abdel Muttalib et la religion de ses ancêtres. Donc ici on se retrouve devant l'istikbar, le fait de connaître le haq mais de pas vouloir s'y soumettre et le mettre en pratique, comme shaitan, l'istikbar. Alors que celui qui l'a dit sans connaître son sens et sans y croire fermement, et sans œuvrer conformément à ce qu'elle signifie, c'est-à-dire comme quoi en délaissant le shirk, et en étant exclusif dans ses paroles et ses actes pour Allah Jalla wa'ala, Alors cette shahada-là, le concernant, elle est vaine. Elle ne sert à rien. Bil-ijma'. Bil-ijma'. Ça, c'est ijma'. Que celui qui dit la ilaha illallah, sans connaître son sens, sans s'écarter du shirk, et sans adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans lui donner aucun associé, cette shahada, ces mots-là, ils servent strictement à rien. Parce que il va les contredire. Soit il va les contredire par son ignorance, soit il va les contredire par son acte, en commettant le shirk ou en n'adorant pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Bel takunu hujjatan alay. Wal mushrikun al-awwalun jahaduha lafzan wa ma'nan. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة ومشركو زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنا فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله فهم أجهل من مشرك العرب والمتكلمة وغيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فالموحد وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها. Cette shahada, elle est le concernant une preuve contre lui. C'est-à-dire que le jour du jugement, il sera questionné sur cette parole-là. La ilaha illallah. Et encore une fois, elle ne lui profite en rien, comme il va le dire. Il dit que les associateurs, les premiers associateurs, c'est-à-dire du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans les autres communautés en réalité, si on analyse bien les versets du Coran, c'est des gens qui ont refusé, qui l'ont rejeté, c'est-à-dire qui ont refusé de prononcer cette shahada. Ils ont refusé de la prononcer parce qu'ils connaissaient son sens, et que ce sens-là, ils n'en voulaient pas. Ils savaient que le fait de la prononcer, c'était renier leur din, renier leur divinité, et renier la religion de leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu la prononcer. Donc ils l'ont rejetée par son sens, parce qu'ils n'en voulaient pas, bien qu'ils connaissaient le sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas le sens. Ils connaissaient le sens, mais ils n'en voulaient pas. Ils l'ont rejeté. Et donc, ils ont rejeté la parole qui allait avec, qui signifiait ce sens-là. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, dites la ilaha illallah et vous réussirez, qu'est-ce qu'il disait? Va-t-il faire de toutes les divinités une seule divinité? Donc, c'est des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait déjà dit, comme c'est clair dans le Coran. Mais c'est des gens qui adoraient, qui avaient pris d'autres divinités pour se rapprocher d'Allah. Et ils savaient que cette parole-là, que ce din, le din du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'était rejeter toutes les autres divinités et consacrer son culte, vouer son culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, sans prendre d'intermédiaire. Et comme ils ne voulaient pas cette religion-là, ils n'ont pas voulu la prononcer. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « Jahaduha lafzan wa ma'nan ». Il dit alors que les associateurs de notre époque à nous, ils la disent, ils prononcent les mots de la shahada, mais comme les associateurs de l'époque, ils la rejettent ma'nan, par le sens, parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et même quand tu trouves, quand ils savent, la majorité, quand ils savent ce que ça veut dire, ils vont traiter d'intégristes, de terroristes, d'extrémistes. Quand il leur est montré et prouvé que la shahada, c'est rejeter les autres divinités, rejeter la religion des parents, se désavouer des mouchriquines, même quand il s'agit des parents, des proches, etc., c'est un din de tatarruf, d'extrémiste. Il dit, et tu trouves l'un d'entre eux qui l'a dit. Il l'a dit toute la journée, la shahada. Mais il voue son culte et il donne ce qu'on a vu avant, ce qu'on appelle le ta'alluh, l'amour d'adoration, la glorification. Et il s'humilie pour un autre qu'Allah Jalla wa Ala en pratiquant toutes sortes d'adorations pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas trouver même que contrairement au premier mushrikin, c'est quelqu'un, quand il se retrouve en pleine galère, c'est quelqu'un qui va vouer son culte exclusivement à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va invoquer un autre qu'Allah, il va s'attacher à sa fausse divinité. Alors que les mushrikin al-awwalin, les premiers, on sait, c'est clair dans le Coran, que quand ils étaient en mauvaise position, en galère, ils savaient bien que seul Allah Jalla wa'ala s'est rapporté, qu'ils balançaient leur statue par-dessus bord quand ils étaient sur la mer. Ils jetaient leur statue à la mer. Elles servent à rien dans cet endroit-là. Ils invoquaient Allah Jalla wa'ala seul. Mais les mushrikines d'aujourd'hui, non, c'est l'inverse. C'est pour ça que quelque part, ils sont plus ignorants que les mushrikines parmi les Arabes, parmi Quraysh, les mushrikines du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres. Et là, ici, il cite une autre mas'ala. Il parle de al-mutakallimin, qu'on appelle Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, c'est-à-dire, c'est des gens, on a déjà parlé d'eux quand on a lu Al-Wasitiya, c'est des gens, leur plus grande, on va dire, caractéristique, c'est qu'ils font devancer leur aql, leur raison, sur le wahi, sur les textes, sur la liste, sur le Coran et la Sunna. En réalité, même Ibn Taymiyyah, il dit, c'est des gens, ils ne croient pas au Coran et la Sunna. C'est des gens qui prennent comme juge leur aql. Ce que leur raison veut bien accepter, ils l'acceptent. Et ce que leur raison n'accepte pas, ils le rejettent. Ou alors ils le changent. Et pour eux, du moins, al-mutaakhirin, les gens qui sont venus plus tard et qui appartiennent à ce groupe-là, pour eux, le sens de la ilaha illallah, c'est la qadira ala al-ikhtira' illallah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que seul, ou que la création, c'est-à-dire la capacité à créer à partir de rien, n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah pour eux. Et si on prend ce sens-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui croit fermement que seul Allah peut créer à partir de rien, il a réalisé la ilaha illallah, il est muwahhid. Dans cette définition-là. Alors que le muwahhid n'est muwahhid que s'il témoigne que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et donc qu'il s'écarte du shirk et qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, la personne, elle devient muwahhid. Eux, non. Eux, le muwahhid, c'est celui qui déclare qu'Allah jalla wa ala, ou du moins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils disent que la ilaha illallah, le sens mutabaqatan. Mutabaqatan. C'est mutabaqatan, c'est-à-dire que la ilaha illallah, ça signifie que seul Allah jalla wa ala a la capacité de créer à partir de rien. Ensuite, parmi eux, il y en a qui vont dire, ça implique que lui seul mérite l'adoration. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que il y a les extrémistes parmi eux qui vont dire que celui qui a fait ça, il a réalisé la ilaha illallah, il devient muwahhid, même s'il associe Allah Jalla wa Ala dans l'adoration. Mais ça, c'est pas tout, c'est pas l'ensemble de ces gens-là qui dit ça. Et c'est pas l'ensemble des gens qui dit. Celui qui dit qu'Allah Jalla wa Ala a la capacité de créer à partir de rien, lui seul, sans aucun associé, il est muwahhid, même s'il commet du shirk dans l'adoration. Ça, c'est les extrémistes, et ils sont mushrikin. Parce que c'est des gens qui disent que celui, le muwahhid, que la personne qui commet du shirk akbar dans l'adoration, il est muwahhid. Parce qu'il dit qu'Allah Jalla wa Ala lui seul crée. Ça, c'est quelqu'un, il ne sait pas ce que c'est l'islam. Il ne sait pas ce que c'est la ilaha illallah. Et il dit que le mushrik, il est musulman. Mais il y en a d'autres qui vont dire, qui disent ça, qui disent que la ilaha illallah, c'est seul Allah a la capacité de créer à partir de rien, et ça implique l'adoration, qu'on doit l'adorer lui seul. C'est-à-dire que l'adoration pour eux, c'est pas ce qu'indique la ilaha illallah mutabaqatan. Ils disent que c'est un lazim. Ala kulli hal. Al-muhim, al-muwahhid, c'est celui, on sait bien que c'est celui qui témoigne de la ilaha illallah. et qui ne se contente pas de prononcer cette parole, mais qui connaît son sens et qui la met en application en adorant Allah seul, sans lui donner aucun associé et en s'écartant du shirk. Et c'est pour ça, comme le dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans d'autres passages, à maintes reprises, que la ilaha illallah s'est contredit par deux choses. C'est contredit par le shirk, c'est-à-dire min jihatin nafi. Du côté de la négation, c'est contredit par le shirk. Celui qui commet le shirk, il a détruit sa shahada, il a détruit la ilaha illallah. Et de l'autre côté, du côté de l'affirmation, par el-kibr, c'est-à-dire celui qui s'enorgueillit à ne pas adorer Allah Jalla wa Ala, qui ne veut pas se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'adorer comme l'a fait Shaytan, celui-là il détruit sa shahada aussi, mais par l'autre côté, par l'affirmation. Allahu a'lam, inshallah, on va arrêter ici. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît tous, mais qu'on ne lira et qu'on ne répétera jamais assez. C'est aussi évident que c'est important. N'arrête là. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.